L'homme est un être dont le pouvoir a été soutiré par des forces qui cherchent à contrôler la matière. Cet assassinat, puisque en fait c'est un assassinat, est perpétré à une telle échelle que le meurtre dans le monde, sous toutes ses formes, en est la phase la plus poussée, ainsi que le suicide. L'homme a été assassiné par les forces astrales qui dominent le monde de la pensée, forces qui se nourrissent de la matière mentale et émotive de l'homme comme l'homme se nourrit de la matière végétale et animale. L'assassinat de l'homme est une condition mondiale, planétaire, et demeurera tant que l'être humain, l'ego, n'aura pas combattu les forces en lui qui lui dictent à son insu la façon de voir, la façon de réagir, la façon de vivre. L'être humain est totalement prêt à sévir contre les forces en lui qui dominent son esprit et qui empêche son intelligence de prendre possession de la terre. Mais l'ego est faible, car il n'a été nourri que d'ordures et d'illusions. L'homme a tellement été nourri d'ordures et d'illusions qu'il lui est presque impossible, seul, sans une aide quelconque, de se sortir de ce marasme et d'exterminer en lui les forces qui cherchent à contrôler sa volonté ou à voiler son intelligence. L'être humain est un être parfaitement organisé sur le plan de l'énergie. Mais là où le désordre règne en lui, c'est là où son intelligence et sa volonté demeurent captifs d'illusions quelconques qui font partie de l'envoûtement psychologique de l'humanité. L'être humain est un être supérieur en puissance, mais sa puissance ne peut éclater en plein jour, car il vit dans la nuit de son expérience, il vit à l'extérieur de ses propres murs, il vit selon la loi de l'homme mort, de l'homme assassiné par les forces de vie inférieures à lui-même, c'est-à-dire inférieures à son intelligence et à sa volonté. L'assassinat de l'homme est tellement grand qu'aujourd'hui, il a perdu le pouvoir de savoir, de faire léviter, de faire éclater, de transmuter, etc., etc. Il a perdu ce qui lui appartient de droit, car il a perdu la capacité de s'élever au-dessus de l'envoûtement psychologique qui couvre la surface de la Terre. Il a l'impression d'être deux, une partie intérieure et une partie extérieure, lorsqu'en fait, il n'est qu'un, et que toute perception le menant à croire qu'il est deux est une perception relevant de sa terrible condition d'être incapacité par l'aveuglement de son intelligence astralisée. Le plus grand piège de l'homme, c'est sa façon de voir les choses. Et le plus grand danger de l'homme, c'est son inhabilité de pouvoir changer sa vision, son entendement, car il a peur d'être un, il a peur d'être absolu, il a peur d'être sans réflexion. Le mystère de la religion se cache au fond de cette crainte, de cette caverne, où l'ego se terre pour mieux prier afin de mieux être exploité par des forces qui lui semblent être bonnes et élevées, lorsqu'en fait, elle lui enlève le pouvoir pour maintenir sous leur contrôle séculaire, millénaire, l'homme. L'unité de l'homme est essentielle à sa survie, à sa volonté, à son intelligence. L'homme ne peut plus vivre divisé entre le matériel et l'immatériel, entre le mortel et l'immortel, entre le temporel et l'intemporel. L'homme doit être tout à la fois, mais il ne peut l'être que s'il réussit à assassiner l'assassin. L'intérêt de l'homme doit être total, c'est-à-dire que l'homme doit vivre totalement, et pour vivre totalement, il lui faut détruire ce qui l'en empêche à l'intérieur de lui-même. L'homme est fixé à la source de la vie, mais il ne la réalise pas, car entre lui et la source s'élève le monstre qu'il a créé, la peur. La peur de tout et de rien. L'être humain est un être dont la réalité doit être unifiée avant qu'il puisse prendre mesure de lui-même et exploiter le monde matériel selon les lois du monde immatériel et le monde immatériel selon les lois du monde matériel. Sinon, comment voulez-vous qu'il réalise que le pouvoir est en lui et que le pouvoir est lui et nul autre que lui? La substance même de la vie découle de son activité sur le plan où l'esprit règne en maître. Mais non seulement l'esprit de l'homme doit régner en maître, mais l'homme aussi doit régner en maître sur les domaines organisés par l'esprit que nous appelons la matière, le végétal et l'animal. Sinon, quelle valeur a l'homme autre qu'une valeur purement expérientielle qui sert les forces dans le monde de la mort? Quand l'homme comprendra-t-il que la mort est une dimension qui le est? Quand comprendra-t-il que tout ce qui est mort, qu'il soit bon ou mauvais, est anti-homme? Quand l'homme comprendra-t-il que la religion aime la mort, car ce sont les morts qui la maintiennent, afin que l'homme les rejoigne, car dans la mort, la solitude est grande et l'esprit se meurt d'ennui. Alors que l'homme, lui, l'homme nouveau, peut vivre sans jamais mourir dans sa conscience, car elle aura détruit l'assassin de l'homme, l'envoûtement psychologique qui naît de ses pensées et torture son être. C'est à l'homme d'expliquer la réalité et non à l'esprit mort et solitaire. C'est à l'homme seul d'expliquer la mort et non à l'esprit du mort, car lui-même ne connaît et ne comprend son sort, tant qu'il ne sera pas revenu dans la matière et qu'il n'aura pas lui-même détruit l'assassin de l'humanité. L'homme n'a plus à demander à qui que ce soit de lui expliquer la réalité. C'est à lui de le faire maintenant qu'il sait comprendre le jeu de l'assassin, le jeu de l'astral. L'homme n'a qu'à parler réellement et l'esprit de la mort tremble devant ses paroles, car l'esprit de la mort sait que l'homme nouveau s'éveille sur la terre et la terre tremblera sous les pas de ce géant qui a toujours dormi. Jamais, depuis que l'homme est homme, le monde de la mort n'a autant tremblé qu'à la fin du 20e siècle. Et c'est pourquoi les forces de la mort, les forces de l'astral, les forces de l'âme s'acharneront contre l'homme nouveau pour lui arracher son panache. L'homme n'a rien à craindre de l'astral que sa propre crainte, car la crainte mène à la folie, et la folie est la douce et souriante fille de l'astral. L'homme n'a rien à craindre de la folie s'il comprend que tout ce qui est contre lui doit être détruit. Tout ce qui est contre lui doit être détruit. Si l'astral est contre lui, l'homme doit le voir, car ce n'est pas l'astral qui le lui montrera. L'assassinat de l'homme est beaucoup plus dangereux que l'assassinat de Dieu, car l'assassinat de Dieu était déjà une victoire pour l'homme, mais une victoire temporaire, car après Dieu, un autre Dieu apparut dans l'esprit de l'homme, et ce fut le Dieu moderne de l'impression scientifique, technologique, le Dieu de la machine. Or, l'homme est à la fois le Dieu assassiné, et demain il connaîtra des machines qui seront issues de son pouvoir sur la matière et qui n'auront plus d'influence sur son esprit. L'assassinat de l'homme n'est réalisable que dans le combat qu'il doit mener pour s'affranchir des forces qui ne veulent pas qu'il sente l'infinité de son intelligence. Toutes ces forces sont anti-homme, car elles le prédisposent à vivre une vie qui n'est pas à sa hauteur. Tant que l'homme ne possède pas la capacité de déchirer de ses doigts le voile qui cache la conscience totale de l'énergie. Il s'aperçoit qu'il est dans une impuissance et que cette impuissance fait partie de son assassinat. L'homme doit détruire le voile de l'astral, mais ce voile ne peut être déchiré qu'avec acharnement. Et cet acharnement est douloureux, car les forces ne veulent pas que l'homme sache, que l'homme puisse bénéficier du pouvoir de l'énergie qui est sans fin dans le cosmos, visible et invisible. L'homme nouveau s'acheminera petit à petit vers le soleil noir qui fait partie du centre de la Terre et qui ne peut être vu que par ceux-là qui ne sont plus fils de l'homme, mais fils de la lumière. Mais ces fils de la lumière doivent d'abord voir et reconnaître l'étoile qui brille afin de pouvoir la suivre le long des pentes tortueuses qui mènent vers le libre chemin de l'intelligence, de la volonté créative. Sinon, la noirceur est trop dense et l'homme ne peut voir ce qui ne se voit pas seul. Il a besoin de l'impression qui fracture et ouvre et éventre le vase clos de l'envoûtement psychologique qui, depuis que l'homme est homme, le pousse à la recherche de la connaissance sans ne pouvoir découvrir que son symbole. L'assassinat de l'homme est un des grands mystères de la vie planétaire. L'homme d'aujourd'hui n'a plus la mentalité de l'homme d'hier. L'homme d'aujourd'hui, cependant, est aussi prisonnier de sa mentalité que l'homme d'autrefois. Ce qui permet à l'homme d'aujourd'hui de prendre conscience, c'est le phénomène de l'extériorisation de l'esprit de l'homme du Verseau. Chez l'homme du Verseau, l'esprit s'extériorise au lieu de s'intérioriser, et ce phénomène aura des conséquences mondiales sur l'évolution future de l'humanité, car aucune force est plus grande, plus puissante que l'esprit, puisque l'esprit, c'est tout dans l'homme. Dans le passé, l'esprit ne pouvait s'extérioriser, car l'homme n'était pas encore au stade de l'évolution. Il était encore au stade du progrès social, alors que demain il sera prêt pour l'évolution de l'esprit. Maintenant que le progrès social aura atteint son point culminant avec l'âge de l'électronique. Donc l'homme du Verseau, l'homme de la nouvelle période, individuellement, commencera à se débattre à l'intérieur de l'enveloppe créée contre lui par l'envoûtement psychologique. Et plus il réalisera la densité de cette enveloppe, plus il libérera en lui des forces qui sévéreront ses liens avec les anciennes idées de l'humanité, et son esprit prendra de plus en plus d'ampleur jusqu'au jour où son esprit commandera à la matière. À partir de ce moment, l'homme entrera dans un âge nouveau où les forces de l'involution n'auront plus sur lui d'emprise. Ce sera la fin de l'assassinat de l'humanité. L'homme a été assassiné car les forces de l'esprit ne pouvaient entrer dans sa matière mentale. Et pour que sa matière mentale puisse les recevoir, il fallut que cette partie de l'homme se développe suffisamment, c'est-à-dire que l'homme puisse prendre conscience de lui-même et de sa condition. Tant que l'homme ne put prendre conscience de lui-même, ses forces ne purent se manifester, car elles étaient trop grandes et trop fortes pour son âme. Mais à la fin du 20e siècle, l'homme peut prendre conscience de sa condition, car déjà sur la Terre, cette expérience a été parfaitement vécue. L'homme du Verseau sait maintenant ce qu'il doit savoir, et rien ne peut plus arrêter le mouvement de l'homme contre les forces qui empêchent son esprit de contrôler, par la descente dans la matière, les conditions de sa vie matérielle. Tout est dans le temps, et le temps est arrivé. L'assassinat de l'humanité sera révélé à l'homme dans ses moindres détails, de sorte que le mystère n'existera plus sur la Terre, vis-à-vis l'homme ou les règnes inférieurs. Tout sera connu et l'homme verra que la lumière est sur la terre et non plus encapsulée, enrobée dans les linceuls de l'astral. L'assassinat de l'homme sera révélé à l'homme à un tel point que ce dernier voudra se cacher la vue, car il ne voudra ou aura crainte de voir ou de comprendre ce qui lui sera expliqué. L'homme ne réalise pas encore que son assassinat est un crime contre l'esprit, perpétré par des forces qui dominent les plus grandes sphères d'activité cosmique. L'homme verra pour la première fois que la totalité de la connaissance de la Terre n'est qu'un grain de sel sur le rivage infini de l'intelligence créative. L'être humain ne peut être amené sans aide à reconnaître la réalité, mais dès qu'il est touché par elle, il ne peut la refuser, car déjà elle se fait sentir en lui. Il peut la repousser, mais il ne peut la rejeter. Si aujourd'hui il est encore trop tôt, demain le temps sera venu. L'assassinat de l'humanité représente diverses tranches d'évolution. Une des premières tranches d'évolution liées à cet assassinat relève du fait que l'homme, avant d'être chair, était esprit vagabond, c'est-à-dire esprit sans abri qui avait besoin d'abri. Un abri fut créé pour lui, c'est-à-dire que lui-même créa son propre abri, son propre corps, à partir des matières subtiles. Une fois son enveloppe créée, il n'avait qu'à la pénétrer pour l'habiter. Mais l'homme ne se doutait pas des lois de la matière. L'homme ne connaissait pas les lois de la matière. Il ne savait pas, même en tant qu'esprit, que la matière était forte, car la matière elle-même est esprit. Et il ne connaissait pas ceci, car ce n'était pas du domaine de son expérience. Sa descente dans la matière fut un choc, car il ne pouvait plus en sortir tant que la mort ne l'en eut libéré. Mais d'où vient la mort? La mort vient de la mauvaise utilisation de l'énergie de l'esprit dans la matière, par un esprit qui ne pouvait pas être libéré. Autrement dit, si l'esprit avait connu les lois de la matière, il n'aurait pas été prisonnier de la matière, et lui-même n'aurait pas eu à attendre la mort pour se libérer de l'enveloppe charnelle. Le dilemme de l'esprit était donc double. D'abord, emprisonnement jusqu'à la mort à cause de l'ignorance de l'esprit, et ensuite, emprisonnement dans la matière à cause des lois de cause et d'effet qui forçaient l'esprit à demeurer dans la matière. Si l'esprit avait su que la matière est gérée selon les lois de cause et d'effet, il ne serait pas descendu dans la matière. Il aurait simplement traité avec elle sans s'y immerger. Mais l'esprit voulait connaître la matière, car elle représentait pour lui un arrêt dans son mouvement incessant à travers le cosmos. Maintenant que ce cycle tire à sa fin pour l'homme, l'esprit pourra habiter la matière sans en être prisonnier jusqu'à la mort, car la nouvelle vague de vie qui viendra sur Terre au cours des siècles prochains sera libre de la loi de cause et d'effet, ou de karma. Car un esprit descendant aura le pouvoir de briser les chaînes de la matière, afin que d'autres esprits puissent habiter l'homme selon leurs désirs, sans que se forme un ego subjectif ou un voile qui empêche l'esprit d'être libre dans la matière. Mais seul l'esprit peut détruire ce voile, et voilà ce que représente le phénomène de fusion, qui n'est en fait que l'union parfaite entre l'esprit et la nature de l'homme. Donc, l'assassinat de l'humanité provient de l'impuissance de l'esprit de l'homme contre la matière. Et cette condition découle du manque d'expérience de certains esprits qui ont connu l'expérience de descente dans la matière avant d'être libérés par un esprit qui en connaissait les lois. On demandera pourquoi certains esprits ont voulu connaître la Terre tandis que d'autres n'y avaient pas le désir. Et on vous répondra que dans le deuxième cas, nous découvrons que ce fut les esprits de la forme qui ne voulurent pas descendre dans la matière par expérience, tandis que les esprits de lumière y consentirent, pourvu qu'il leur fût permis de connaître les lois et les sous-plans de la matière, qui leur étaient cachés par les forces des ténèbres ou les forces archaïques. Mais lorsque les esprits de lumière pénétrèrent l'enveloppe charnelle, ils ne purent en sortir, car les forces archaïques avaient le contrôle des sous-plans de la matière, dont le plan astral est le plus connu dans la littérature ésotérique de l'humanité. Et lorsque les esprits de lumière descendirent dans la matière, ils ne purent en sortir qu'après la mort du corps matériel. Voilà pourquoi nous parlons de l'assassinat de l'humanité. Dans ce sens qu'il devint impossible à l'homme de comprendre les lois de son évolution, de ses origines, car aucun esprit n'avait jusqu'à la fin du XXe siècle réussi à entrer dans la matière, former un lien inaltérable avec l'ego et être libre de la matière astrale, donc libre purement et simplement. Si l'humanité n'avait pas été séquestrée des connaissances profondes que seul l'esprit aurait pu lui communiquer, l'évolution aurait été différente et le sort de l'homme aussi. Donc, l'homme dut attendre des millénaires avant qu'un cycle nouveau lui permette d'échapper aux conditions de l'envoûtement psychologique qui fut le sort de l'humanité pendant si longtemps. C'est l'ère du Verseau qui ouvrira la porte à la plus grande révolution jamais connue de l'homme depuis que l'esprit eut fait sa descente. Pourquoi les forces archaïques gardèrent le secret des lois de leur monde contre les esprits de lumière? Parce que ces forces avaient été projetées hors de l'enceinte des mondes des esprits de lumière lors de la grande rébellion. Et leur contrôle des sous-plans de la matière devenait pour elles le signe de leur suprématie dans les mondes inférieurs. Si les esprits de lumière avaient été informés de cette situation, l'homme n'aurait pas été né sur la terre. Et c'est pourquoi ils ne furent pas informés par les esprits de la forme qui avaient cette connaissance. Donc le mystère de l'homme, le mystère de sa souffrance inconsciente et séculaire, aussi bien que de sa souffrance initiatique, fait partie des grands plans d'évolution des esprits de la forme et non des esprits de la lumière. C'est pourquoi l'homme réalisera un jour, comprendra un jour, que la forme est plus puissante que la lumière. Et lorsque l'homme aura compris ceci, il commencera à avoir une idée du pouvoir de la forme et pourquoi l'énergie de la forme est plus grande que l'énergie de la lumière. Et pourquoi tous les initiés qui sont venus sur la terre étaient dirigés par des esprits de la forme et non par des esprits de lumière. Et pourquoi pour l'initié, la forme et la compréhension de ses lois est plus importante que la lumière et sa manifestation spirituelle. Voilà où commence, en d'autres mots, la science cosmique, c'est-à-dire la science totale et absolue de la matière et de ses sous-plans. L'assassinat de l'humanité veut dire aussi que l'homme, la partie matérielle devenue intelligente à cause de l'ego perfectionné, ne peut plus être rejeté, c'est-à-dire détruit par la mort, car c'est contre les lois de la forme, telles que le voulurent les esprits de la forme. Or, si les esprits de la forme ont institué la forme et ses lois, il est évident que l'homme, qui est issu de ces lois, puisse actualiser ces lois sur le plan matériel, ou du moins sur les sous-plans de la matière. Voilà pourquoi l'immortalité n'est pas une condition secondaire de l'évolution, mais une condition primaire qui a été sabotée par l'emprisonnement des esprits de lumière, ignorant les lois des sous-plans de la matière que nous connaissons. Alors vous direz, eh bien, si les esprits de lumière réalisaient ou avaient réalisé la condition d'incarnation, telle qu'indiquée, pourquoi la réincarnation, pourquoi la redescente dans la matière? Et on vous répondra que la réincarnation n'existe pas. Elle fut présentée à l'homme comme une réalité par des forces qui voulurent lui donner une impression de retour afin d'alléger le poids du concept d'une mort absolue et sans retour. Mais d'un autre côté, elle existe, car le matériel d'expérience contenu dans la mémoire ou l'âme fut constamment réutilisé par d'autres esprits qui descendirent dans la matière. Et comme l'homme matériel est le produit d'une génétique raciale continue, les actions des ancêtres étaient toujours répercutées dans l'avenir de la race par de nouveaux esprits qui cherchaient l'expérience de la descente dans la matière. Alors vous demanderez pourquoi les esprits qui retournaient après la mort ne pouvaient-ils pas informer les autres de la condition humaine? Et on vous répondra qu'ils ne le pouvaient pas, car les esprits de lumière ne peuvent retourner à leur monde qu'après la fusion, c'est-à-dire que lorsque l'homme a été rendu intelligent des lois de la mort. Tant qu'il ne sera pas rendu intelligent des lois de la mort, l'esprit de lumière ne pourra retourner au monde de la lumière. car la mort pour l'homme se continue après la vie terrestre, et pour l'esprit aussi dans ce sens, qu'il est obligé de revenir dans la matière pour en être enfin libre. Alors, vous direz que nous nous contredisons, qu'il y a un moment, on nie l'incarnation, et que dans un autre, on la prône. Voyons plus loin. Réincarnation veut dire redescendre dans la matière. Or, l'esprit peut redescendre dans la forme de la matière, mais ne peut redescendre dans la matière, c'est-à-dire en être prisonnier de la même façon. Ceci veut dire que les esprits qui ont été libérés de la matière par la mort y retournent dans la forme et non dans l'expérience. Et ce sont ces esprits que nous retrouvons dans le monde astral. Ils revivent constamment l'expérience humaine, d'où leur solitude, leur peine, leur douleur, mais ne la revivent pas dans l'expérience. Ceux qui la vivent dans l'expérience matérielle le font pour la première et la dernière fois. Alors, qu'est-ce que la fusion dans tout ça? Eh bien, la fusion est un état où l'esprit de lumière peut habiter la forme sans en être prisonnier. Alors, il lui est possible de former un lien avec le mortel, lien inaltérable qui fera en sorte qu'un jour, l'esprit de lumière et le mortel formeront une unité, ce qui permettra à l'homme d'être immortel ou de rendre l'esprit lorsque ce dernier sera prêt à retourner au monde de la lumière. Mais pour que l'esprit retourne au monde de la lumière, il lui faut être totalement libre des lois astrales qui le gardent prisonnier après la mort. Et ceci n'est possible que si le mortel lui-même est libéré du joug de l'envoûtement psychologique qui correspond à la libération de son esprit. Ce qui vous est expliqué ici est une simple ébauche. Le reste doit venir avec le reste de l'instruction. Nous devons absorber le tout par étapes, car le tout est vaste et complexe, bien que simple et très unifié. Il semble, par ce qui est exprimé plus haut, que les esprits de lumière ne pourront retourner à leur monde qu'après la fusion avec le mortel. C'est exact. Pourquoi? Parce que la matière, le mortel, doit être libéré des emprises de l'astral, sinon le pouvoir des forces archaïques continuerait sur la terre. Car l'homme inconscient représente pour eux l'impuissance des esprits de lumière. Lorsque l'homme sera conscient, le pouvoir des esprits de lumière sera sur la terre. Donc la lumière sera sur la terre. Et les hommes nouveaux seront les réceptacles pour les nouveaux esprits qui descendront dans la matière, pour fusionner avec le mortel. Autrement dit, pour se fonder avec un être qui leur sera agréable sur le plan d'expérience, car cet être ne pourra plus être l'objet d'affabulation de la part de l'astral sur la terre. Et l'esprit de lumière habitera un corps nouveau, tel qu'il avait été au début conçu par les esprits de la forme. Il est difficile encore à l'homme de mettre de l'ordre dans tout ce méli-mélo, mais le temps est de son côté et l'homme comprendra tout. L'assassinat de l'humanité a interrompu le plan original et merveilleux de descente dans la matière des esprits de lumière. Mais ceci fut nécessaire, sinon le phénomène humain n'aurait pas eu lieu. Mais l'homme en lui-même représente une autre tranche d'évolution qu'il faut expliquer, pour bien comprendre le rôle des esprits de lumière dans l'univers. Les esprits de lumière n'ont pas tous le même degré d'expérience. Certains sont très évolués, d'autres le sont moins. Et par rapport à l'homme, ce différentiel est très important, car il détermine pourquoi certains hommes sont plus avancés que d'autres, plus créatifs que d'autres. Et ceci est intéressant, car cela nous permet d'observer pourquoi tous les êtres humains ne peuvent comprendre avec la même facilité certaines choses. Et ceci reflète le fait que tous ne sont pas habités par des esprits de même expérience. C'est cette condition qui a créé sur Terre la hiérarchie sociale et politique, le pouvoir politique, le pouvoir financier. Autrement dit, le pouvoir et sa hiérarchie sur Terre naît de la différence expérientielle des esprits de lumière qui habitent l'homme, et tant que l'homme ne sera pas conscient, c'est-à-dire intelligent en esprit, il ne pourra se réaliser dans la pleine mesure de lui-même, et cherchera à se situer dans une position sociale plus agréable parce qu'il voudra vivre ce que d'autres hommes vivent, qui sont habités par des esprits plus expérimentés. Et ceci est une grande illusion du mortel, tant qu'il n'est pas conscient de son esprit, car la réflexion dans l'ego le poussera à faire certains gestes qui ne sont pas dans la nature de son esprit, mais le résultat d'un effort égoïque. Et c'est cet effort égoïque ou subjectif qui forcera un esprit moins évolué à perdre contact avec l'homme, d'où le mal. Lorsque l'esprit perd contact avec l'homme, il continue à l'habiter, mais peut difficilement le guider dans la vie. Donc l'homme devient de plus en plus inconscient et succombe de plus en plus à l'astral. Donc son esprit devient de plus en plus malheureux dans un sens vague du terme, car il se verra, après la mort, obligé de vivre la mémoire d'actes qui ne correspond pas à ce qu'il aurait voulu. Donc, il retournera au monde de la mort, espérant un jour revenir à la matière pour corriger l'homme. Mais ce n'est pas le même homme qu'il voudra corriger, mais une mémoire dans un corps nouveau, d'où la réincarnation. Jusqu'à ce qu'il ait pris suffisamment d'expérience pour faire la fusion avec le mortel. Alors sera-t-il libre de l'astral? Et l'homme pourra-t-il être immortalisé, c'est-à-dire sans lien avec l'astral? Lorsque l'esprit retourne au plan de la matière, son destin est en suspens, dans ce sens qu'il ne sait pas si la fusion sera réalisée, car pour que la fusion soit réalisée, il lui faut beaucoup d'expérience avec le mortel. Or, cette expérience est longue, et lorsque le cycle d'évolution commence, comme c'est le cas à la fin du 20e siècle, l'esprit de l'homme, l'esprit le plus avancé dans l'expérience, est le premier à connaître la fusion avec le mortel. Il est difficile à l'homme, à l'ego, de comprendre pourquoi l'esprit doit être unifié au mortel, pour être libéré de la matière et retourner à la lumière, car l'homme a une conception valorielle de l'esprit, et ne comprend pas les lois de la forme. Les esprits de la forme ont institué, créé la forme humaine et son plan d'évolution, et le rôle des esprits de lumière est de ramener cette forme à un stade d'évolution supérieur à la matière. Donc, l'esprit de lumière doit fusionner avec la forme matérielle de l'homme pour élever cette forme au-delà des lois de la matière. Par ce fait même, l'esprit de la forme voit se réaliser cette partie du plan créateur et l'esprit de lumière peut éclairer la forme pour qu'elle devienne une grande addition à l'échelle ou au tableau évolutif de l'universel. Il faut que l'homme s'habitue à se voir en fonction de l'esprit de lumière qui l'habite, et non en fonction de ses sens, qui lui donnent l'habitude de la matière et lui font perdre de vue le plan créateur de l'évolution. Sinon, l'homme ne pourra jamais comprendre les mystères de la vie et de la création. Il ne serait que l'objet d'une expérience cosmique projetée aux confins d'une galaxie sans but précis. Mais pour que l'homme se voit clairement dans le grand et vaste plan, il faut que son ego, son être inférieur, soit unifié à l'esprit de lumière qui l'habite, car c'est la lumière de cet esprit qui donne à l'homme l'intelligence de sa situation planétaire et qui lui permet éventuellement de réaliser que l'esprit et lui ne font qu'un. Cette unité est primordiale, car elle annule le pouvoir étouffant de l'envoûtement psychologique qui cache à l'ego la réalité de son esprit et donc empêche l'homme de vivre une vie réelle et sans fin. Car l'esprit, un jour, par la fusion, doit amener le mortel avec lui dans les sphères où la création de l'homme doit continuer. Ainsi, l'assassinat de l'humanité a été perpétré contre l'homme, c'est-à-dire contre l'esprit de l'homme, afin que l'homme fût et pu éventuellement connaître la fusion, c'est-à-dire l'immortalité, c'est-à-dire la continuité dans la conscience. Donc l'esprit aime l'homme, car l'esprit et l'homme ne font qu'un. Mais l'homme doit reconnaître, doit comprendre éventuellement par lui-même les différents aspects de la réalité, de sa réalité, de la réalité de son origine. L'esprit de la forme et l'esprit de lumière sont deux esprits différents. Un contient ou conserve l'idée originale de sa création, tandis que l'autre exploite par son mouvement dans le cosmos les différents aspects de l'énergie afin de permettre à la forme, une fois condensée dans la matière, de s'élever et de devenir de plus en plus parfaite, de plus en plus lumineuse, c'est-à-dire de plus en plus semblable à elle. Donc, un jour, l'homme et l'esprit de lumière, à cause de l'unité qu'ils formeront ensemble, permettront que se réalise dans le temps le fameux dicton de l'ancienne connaissance humanité, où l'on disait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Effectivement, l'homme a été créé dans la forme, à l'image d'entité, d'intelligence très perfectionnée, et cette forme, un jour, doit revenir à l'origine, doit revenir et être unifiée à cette énergie. Donc, l'être humain, celui qui a vécu pendant des millénaires, qui a été assujetti et qui représente une ébauche encore très imparfaite d'une évolution future, doit réaliser aujourd'hui qu'effectivement l'humanité a été assassinée. Assassinée dans un sens qui ne peut être compris que par l'esprit dans l'homme, qui ne peut être absorbé égoïquement sur le plan de l'émotion ou de l'intellect que par un homme qui est de plus en plus en fusion avec son intelligence créative, c'est-à-dire son esprit. Et à partir du moment où l'homme réalise qu'effectivement l'humanité a été assassinée, il lui est possible à cet homme de comprendre les différents stages de l'évolution, les différentes nécessités évolutionnaires qui ont permis que l'homme soit dupé, afin qu'il pût, avec l'expérience, réaliser la différence entre le bien et le mal, le bon et le vrai. Les aspects de l'involution qui ont caractérisé l'assassinat de l'humanité et qui ont fait partie de la progression du développement mental, émotionnel de l'homme, ont été nécessaires. Mais aujourd'hui, maintenant que l'homme entre dans une nouvelle phase d'évolution, où il vivra une mutation certaine, il est évident que dans ce processus, l'homme ne peut plus vivre de la même façon dans le mental qu'il a connu dans le passé. Il ne peut plus vivre de la même façon dans l'émotif astral que ce qu'il a connu dans le passé. Puisque l'homme doit changer, puisque l'homme doit être totalement autre. L'homme, l'ego, ne veut pas changer dans un sens, et dans un autre sens, il veut changer. Il faut qu'à un certain moment, il y ait une cassure. Mais ce n'est pas l'ego qui puisse faire la cassure, c'est l'énergie, c'est l'esprit. Et lorsque l'esprit commence à faire le travail dans l'homme, il y a cassure dans l'ego, donc il y a changement dans le mental et dans l'émotionnel, et donc il y a arrêt graduel, il y a retenue éventuelle de ce que nous appelons les effets ou les conséquences de l'assassinat de l'humanité. Mais l'homme ne peut pas rationaliser le nouveau cycle. L'homme ne peut pas rationaliser la fusion. L'homme ne peut pas rationaliser l'activité vibratoire de l'esprit à travers ses corps, à travers son ego. Parce que l'homme est incapable, au niveau de l'ego, de comprendre la profondeur du plan de l'évolution, de comprendre les lois infinies de cette descente dans la matière. Donc, il est obligé, à un certain moment, de commencer à pouvoir vivre de l'énergie de l'esprit, donc de transmuter la matière mentale, la matière émotionnelle et éventuellement la matière matérielle sous la pression qu'exerce l'esprit dans sa descente, dans sa fusion. L'être humain, égoïquement parlant, est incapable de réaliser la dimensionnalité de son expérience involutive. Il est incapable de prendre possession dans sa totalité de la mémoire de l'humanité, de la mémoire des activités de gérance et de gestion qui ont pris origine sur les plans qui sous-tendent la matière. Donc le cosmos est beaucoup trop grand pour l'ego. Mais même si le cosmos est très grand pour l'ego, ceci ne veut pas dire que l'ego ne peut pas comprendre la mécanicité, les mirages à l'intérieur de lui-même créés par l'astral à cause de l'évolution. Et ceci est un fait. Et ce fait ne peut être éclairé que par la fusion, ne peut être éclairé que par la descente de l'esprit dans le mortel. Et lorsque ceci, ce processus, s'est accéléré, s'est développé, l'homme, l'ego, commence à prendre conscience effectivement que par le passé, l'humanité entière, et même aujourd'hui, a été maintenue dans une chaîne tellement puissante que seule la fusion, le contact entre l'esprit et le mortel peut briser. Donc, l'assassinat de l'humanité, dans les termes ici donnés, représente l'involution, représente de toutes les façons possibles et imaginables par un ego. Comment des forces dans des mondes parallèles peuvent manipuler sur le plan matériel, à travers la matière mentale et astrale de l'homme, les conditions de l'involution? L'assassinat de l'humanité représente l'impuissance de l'homme. Et tant que l'ego ne sera pas capable de voir, de sentir, de s'apercevoir de lui-même, de s'apercevoir de sa fragilité, de s'apercevoir et de se rendre compte jusqu'à quel point il peut facilement être manipulé par l'énergie de la forme, il ne peut pas réaliser le pouvoir de l'énergie à travers la forme. Et s'il ne réalise pas le pouvoir de l'énergie à travers la forme, comment voulez-vous qu'il ait accès à l'énergie de l'intelligence qui peut jeter dans la forme de la clarté afin que l'homme astralement parlant ou mentalement parlant ne soit jamais assujetti par la forme, mais se serve de la forme pour son agrandissement et ne soit jamais acculé au mur de l'expérience, au mur de l'ignorance, au mur de la déception, au mur de la domination. L'homme, par le passé, a vécu à l'envers. Et demain, l'homme devra vivre à l'endroit. Mais l'homme ne peut pas reconnaître la différence entre l'envers et l'endroit quand il est inconscient. De la même façon que l'astronaute ne peut pas voir la différence entre le haut et le bas lorsqu'il est suspendu dans le vacuum.